Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le maire. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oh, ça ne va pas du tout, docteur. J'ai mal à la gorge, je tousse beaucoup, je suis fatigué et je crois que j'ai un peu de fièvre. Bon, je vais regarder ça. Ouvrez la bouche. Faites... Ah ! Oui, c'est bien. Toussez. Vous avez une belle angine. C'est grave, docteur ? Non, ce n'est pas grave. Mais je vous conseille de rester au lit 2 ou 3 jours. Mais j'ai beaucoup de travail, docteur. Le travail peut attendre, monsieur le maire. Vous êtes malade. Vous devez vous reposer un peu. Oui, docteur. Je pense que vous avez raison. Alors, vous allez prendre quelques jours de repos. Je ne vous donne pas trop de médicaments. Voilà l'ordonnance. Prenez 3 comprimés le matin, à midi et le soir, avant les repas. Bien, docteur. Allez, monsieur le maire, rentrez vite à la maison et reposez-vous. Merci, docteur. Je paie à la secrétaire, comme d'habitude ? Oui, merci. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir, docteur.